Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum boum, musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Ce soir, on traverse l'océan Atlantique direction les Antilles avec notre ami Chili Jay. Que dire de plus ? Je sais pas trop, la grande classe de Chili Jay qui réussit à se renouveler à chaque passage dans l'émission. Et pourtant, il en a fait un paquet de boum boum boum, j'ai arrêté de compter, sans doute 5 ou 6, peut-être même une ou deux de plus. Et comme à chaque fois, ce soir, pure sélection de Chili Jay et pure technique aussi. Il s'éclate avec toutes ces nouvelles machines et ça donne encore une fois un super podcast. Direction les Antilles donc, avec une sélection et un mix incroyable de Chili Jay. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute. Ami, je te présente mon île. C'est un petit bouquet de verdure, perdu parmi tant d'autres de par les mers. Accueillant petit bouquet de verdure, offrant à tous le même parfum troublant, un ciel pur, un soleil radieux bienfaisant, et mille et un petits délices que l'on découvre à travers une symphonie en couleurs. Guadeloupe, île d'émeraude, les Antilles, joyaux de la terre. Yeah. Direction Guadeloupe. Thank you. paye-moi, paye-moi, moi qu'à partir chercher la vie. Mi paye-moi, paye-moi, moi qu'à partir aller Paris. Manqué manger mori bouillé à dans la Chine. Manqué souper la pierre ou tiré pile jim. Pour moi rester ici, rester puis au pays. Passe moi mais au pays, c'est au qui bat moi la vie. Manqué manger mori bouillé à dans la Chine. Manqué souper la pierre ou tiré pile jim. Pour moi rester ici, rester puis au pays. Passe moi mais au pays, c'est au qui bat moi la vie. Maintenant, ma joie la paix. chercher la ville, ouais. Elle pas ouais devant le bouton, j'ai le pas bêté. La psy bi humiliation. Mâché tout à tout en bois, l'ennui bonjour. Oh, tout j'ai l'ennui bonjour. C'est où celle qui connaît les affaires soleil? La ligne, oh la tonji, la yéli. Oh, bon, en blé ou du moins. Et ça veut dire c'est où qu'il en mord. Mora Tunji. Tunji, Tunji, l'autre compagnie. Qu'a dit moi, c'est où qu'il a vie. Tunji, ça veut une idée Fidji. Ola Tunji. Ola Tunji. Ola Tunji. En Fidji pour la mort, en Fidji pour la vie. Ça veut ses mains. En Fidji pour la mort, en Fidji pour la vie. Quand la cacoule, autant vous la caoule, c'est tout tout la calimé, soleil en nous caclévé, oh yo yo yo pas nous les oh yo yo yo nous caoule, oh yo yo yo pas nous les oh yo yo yo nous caoule. Coco la cagade, en bas de zèle la caillé, belle arme bleue en nouqué, sous la vie sa cachopé, roulez, voyez, allez, roulez, caqué, ne ou nous ka roulez. Colombo et Matete, Balado et Vedombe, Vita Yamobi Bambima, Farine Pizza Boca, Bima Bizan Way Dudu, Bono Papasti Lamu, oh yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo thank you. c'est une seule fois, pas soin ni besoin. Acheter en l'eau belle bitin. Chaque semaine, moi qu'à rêver. Maman, en l'auto, moi qu'à gagner. Quelques centaines de millions, mais c'est savant. L'espoir qu'a fait vivre, même quand l'air ou qu'a mangé cuivre, faut pas autre péché, parce que ça qui est périvé. Depuis plusieurs millions d'années. Depuis plusieurs vagues et billets. Les hommes tenus en l'homme et l'eau à terre. Les hommes tenus en l'homme et l'eau à terre. Mais actuellement c'est grand building. L'amour en a plus limousine. En panise à fréquenter la Chine. En panise à fréquenter la Chine. C'est l'argent qui a fait chien danser. C'est l'argent qui a fait l'amitié. En panise à fréquenter la Chine. En panise à fréquenter la Chine. Toi, présent ou pas tous. Babel, Babel, Babel, à la place Initéa, à la place Initéa, à la place Rose et Jardin, à la place Rose et Jardin. Oh, Babel, Babel, oh, oh, oh. Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Et bonnes pas capables, les bonnes pas. Les hauts pays sans grand jardin. Les tépitiers, c'est même bitin. Oui, laissez-moi courir dans le jardin. Oui, laissez-moi courir dans le jardin. Je dis le jardin d'origine. Chaque moune, chaque flèche, chaque cristalline. Et ni place ni fait même mouche en miel là. Vite ni en manier, pitié chez moi. Tout pas toi, présent, tout pas tous. Babel, Babel, Babel. À la place Initéa. À la place Initéa. La place Rose et Jardin. La place Rose et Jardin. Plusieurs prophètes ont dit, on a voté l'abolition, ça suffit pour la communication, ça suffit pour la communication. Mais au carrefour de mille civilisations, pour inventer la nouvelle relation, le monde attend longtemps beaucoup de nous. Le monde attend longtemps beaucoup de nous. On m'aille apprendre cosmologie. Cosmologie et puis télépathie. Pour nous montrer les hommes d'un chimayon. Pour nous pédir les hommes d'un chimayon. Tout pas toi, présent, tout pas tous. Babel, Babel, Babel. À la place Initéa. À la place Initéa. La place végétation, toujours accélération. Oh, Babel, Babel, oh, oh, oh. Au soya, pas si longtemps moins t'es comme ça, ni jeudi jour nous quatre.